La corvée de Noël de Geod Ham, œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0, en lecture libre sur atramenta.net, enregistrée par Christiane Johan. La corvée de Noël. Emmanuel voit arriver la fin de l'année avec une certaine anxiété. Comme tous les ans, vient la période où il faut s'occuper des festivités coutumières. Ce n'est pas qu'elle n'y soit pas rodée. En tant qu'aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle a toujours été la collaboratrice attitrée de sa mère pour l'organisation des invitations, repas, décorations, choix et commandes des cadeaux pour tout le monde. Non, elle a l'habitude et a acquis une certaine maestria dans le domaine. Cependant, cela revient avec une telle régularité qu'elle en a perdu le plaisir. Cette année, ce sera encore plus difficile. Afficher un sourire permanent, feindre les secrets pour les plus petits, cela devient une comédie artificielle qui, heureusement, ne se remarque pas. Du moins pas pour Zoé, Théo et Léa, ces 3 chéris, dont les 2 plus jeunes ont écrit leurs lettres au Père Noël sous la haute direction de leur grande sœur Zoé. Cependant, Zoé a parfaitement compris la situation en écoutant quelques conversations entre ses parents, même si elles ne lui étaient pas destinées. Et elle le sait aussi parce qu'à l'école, ses copains et copines ont parlé aussi. Nombreuses sont les familles qui ont été touchées l'an dernier, juste avant les fêtes de Noël, par la fermeture de l'usine, qui employait un nombre considérable d'ouvriers qui se sont retrouvés d'un seul coup sans emploi et sans salaire. « Sacré cadeau de Noël !» avait grondé son père qui avait ajouté « juste avant les fêtes ». Et il avait râlé parce qu'ils sont nombreux dans ce cas. Bien sûr, une prime de licenciement avait été accordée aux nouveaux chômeurs, mais elle avait fait long feu et les indemnités de chômage n'équivalaient pas le salaire de Pierre. Celui-ci n'avait pourtant pas perdu son temps, tentant de retrouver un emploi dans les meilleurs délais, mais ils étaient si nombreux à pointer à France Travail qu'ils n'avaient pas réussi à trouver autre chose que quelques contrats de courte durée, pas mieux rémunérés. Donc cette année, comme Emmanuel, Pierre voit arriver les fêtes de Noël avec angoisse. En cette fin de novembre, afin de soulager sa femme d'une partie de la corvée d'achat des cadeaux de Noël, pourvue de la liste préparée par ses enfants, il se rend dans l'hypermarché le plus proche. Des promotions sur les jouets sont proposées pendant 3 jours, il faut absolument en profiter. Surtout que les petits, Théo et Léa en particulier, ne soient pas privés du plaisir de Noël. En entrant dans la galerie marchande, trône un magnifique fauteuil rouge et or. Celui du Père Noël, bien sûr. Derrière lui, un paysage enneigé avec une jolie locomotive à vapeur noire et vermillon, toute luisante. Cette année, les rennes sont parties ailleurs. Des oursons animés chargent les sacs de cadeaux dans le train. Une légère musique, surtout ne pas lasser les passants, enveloppe cet espace. Pris d'une envie irrésistible, un regard à droite, un regard à gauche, personne, Pierre, ne résiste pas. Il s'assied sur le grand fauteuil et ferme les yeux. Pas le temps de se faire houspiller, il est déjà debout. Ouf, personne ne l'a vu. Il reprend son chemin vers l'entrée du magasin où les jouets en promotion l'attendent. C'est alors qu'un vigile s'approche de lui, bienveillant et même souriant, il s'adresse à lui. « Vous savez que ce fauteuil est réservé au Père Noël. » Un peu confus, Pierre s'excuse. « Oui, je sais, mais ça m'a tellement fait envie. Vous savez, je n'ai plus de travail depuis l'année dernière, alors j'ai rêvé que je pourrais en demander un au Père Noël. » Le gardien, compatissant, reprend « Je comprends, j'espère que votre souhait se réalisera. Mais ne recommencez pas, ne donnez pas le mauvais exemple. » Pierre promet et ajoute « Je voudrais quand même vous signaler que le fauteuil, eh bien, il est très dur. Je plains le Père Noël qui devra rester toute la journée assis dessus et prendre les petits-enfants sur ses genoux. » Un homme en costume près du vigile et qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là conclut « Très bien, nous allons transmettre votre observation au service concerné. » Ensuite, Pierre réalise ses achats et rentre chez lui en les laissant dans le coffre de sa voiture. il doit s'assurer que Zoé va occuper ses petits frères et sœurs et détourner leur attention pendant qu'il va les décharger et les cacher dans la maison. Elle aura le droit d'aider à l'emballage de ceux destinés aux petits, mais le secret sera gardé pour ceux qui lui sont destinés. Tout en aidant Emmanuel aux tâches du quotidien, corvées auxquelles il s'astreint, d'autant plus depuis qu'il n'a plus d'emploi fixe, Pierre raconte à sa femme l'épisode du fauteuil du Père Noël. Ils en rient tous les deux et Pierre va ensuite à France Travail pour trouver une petite annonce qui leur permettrait de trouver une tranquillité financière pour la fin de l'année. En arrivant devant l'établissement, Pierre se trouve juste derrière l'homme qui était avec le vigile, dans le grand magasin. Lorsqu'il le reconnaît, celui-ci s'exclame « Tiens, voilà notre testeur de fauteuil de Père Noël !» Pierre s'excuse à nouveau « Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris de me conduire comme un sale gamin !» L'homme reprend « Si j'ai bien entendu, vous cherchez un emploi et vous espérez que le Père Noël vous en donne un !» Pierre hoche de la tête « Oui, mais je ne crois pas au Père Noël, quand même !» Son interlocuteur hésite un peu, puis lui demande « Et si c'était vous, le Père Noël ?»« Pardon ?» L'homme en costume répète « Et si c'était vous, le Père Noël, cette année ?» Je m'explique, notre Père Noël habituel vient de me prévenir qu'il ne pourra pas tenir ce rôle. Il est hospitalisé et, rassurez-vous, il me dit que ce n'est pas grave, mais il ne sera pas disponible pour la période. Je venais donc déposer une annonce pour en recruter un à sa place. En ce moment, nous sommes à flux tendu avec le personnel et nous ne pouvons détacher aucun employé sur ce poste. Alors, cela vous tente ? Abasourdi, Pierre murmure « Oui, oui, pourquoi pas ? Si vous pensez que je peux le faire, mais je n'ai pas de barbe blanche. Pas de souci, nous la fournissons ainsi que le costume. » Et on rajoutera un coussin pour garnir le fauteuil. D'accord, merci, merci. Là, c'est vous qui êtes le Père Noël. Alors, venez dans nos bureaux. Nous allons vous établir un contrat pour cette mission. Ensuite, eh bien, nous verrons pour un poste plus durable si cela vous convient. Je vous suis. Une heure plus tard, Pierre rentre chez lui pourvu d'une embauche et d'un salaire à la clé qui va agrémenter les finances de la famille pour les festivités. Il raconte cette miraculeuse corvée de Noël survenue à l'avance à Emmanuel. Il conclut son récit en se trémoussant comme une vedette. « Et maintenant, appelez-moi Pierre Noël !» À quoi répond Emmanuel sur le même ton « Et moi, ce sera Emma Noël !» Ici se termine la corvée de Noël.